Sylvia Dercole, les négociations sont en cours, il y a une opposition avec la présidence. C'est à quel niveau des instances que ça se situe, alors, le processus de débat? Là, effectivement, je vais peut-être revenir sur comment s'est construite cette mobilisation et sur quel groupe elle est ancrée. Cette mobilisation s'est faite progressivement à partir de la fin janvier, puisque lors des vœux du président, il a annoncé donc que l'on repartait vers une fusion à échéance relativement rapide entre l'UPEC et l'UPEM. Donc moment d'émoi. Alors après, discussion, mais oui, mais j'ai toujours annoncé la fusion, j'en ai parlé, c'était dans le programme sur lequel j'ai été élue. Là, il semble qu'au contraire, effectivement, la fusion n'était pas si clairement annoncée. Et puis l'année dernière, il y avait eu quand même des injonctions auprès des, enfin une demande auprès des UFR pour qu'elles bâtissent une offre de formation dans la perspective de la contractualisation qui allait venir, une offre de formation coordonnée avec Marne-la-Vallée. Voilà, donc la fusion revenait sur le devant de la scène l'année dernière. Et puis d'un seul coup, à la rentrée, à l'automne, ah ben non, on parle plus de fusion. L'UPEC pense son offre de formation par elle-même, mais on verra bien. Alors là, d'un seul coup, les collègues se disent bon, bah finalement la fusion est repoussée. Puis au mois de janvier, retour de la thématique de la fusion. Ça, c'était vers la fin janvier. À la mi-février, donc, CCA qui propose cette hypothèse d'une fusion dans la commune. Donc c'est à ce moment-là que des AG ont été réunis et la base de mobilisation a été intersyndicale, hein, vraiment intersyndicale. Tous les syndicats quasiment de l'UPEC ont appelé à ces AG, sauf le SGEN et l'UNSA qui ne se sont pas associés. Mais sinon, on a retrouvé... Bon, la FSU, SNESUP, SNASUB, la CGT, SUP Autonome et FO, qui à l'époque n'avait pas encore fusionné. L'UNEF également a appelé. Et puis la FAGE, alors, avait été vexée de ne pas avoir été contactée à ce moment-là. Elle a été présente et puis après, on ne les a plus vus. Enfin, pas la FAGE exactement, mais une association d'étudiants locales affiliée à la FAGE. Donc une base intersyndicale très large et puis beaucoup de collègues qui ne sont pas syndiqués, sympathisants et qui simplement sont venus s'informer. Donc une base de mobilisation très large et puis ce travail sur une hypothèse alternative a été développé dans un cadre syndical, hein, la section SNESUP, les sections SNESUP de l'UPEC, mais également un petit peu plus large puisqu'il se trouve que la liste d'opposition à la présidence était soutenue par le SNESUP mais était plus large. Voilà. Donc c'est une liste qui est représentée, qui a des élus en fait dans tous les conseils centraux et au CT également. Donc c'est un débat qui a lieu à la fois à l'occasion de chaque réunion de conseil, qui a lieu également lors d'AG, et puis qui s'est diffusé ensuite lors de réunions des conseils de gestion des UFR. C'est ainsi que nous avons produit donc collectivement une contribution expliquant ce que nous souhaitions. Cette double association, cette contribution a été rédigée lentement, hein, doucement, mais c'est un travail collectif et c'est l'intérêt. Elle a été diffusée il y a un mois environ, trois semaines, un mois, et il y a 10 jours, l'UFR de lettres et sciences humaines de l'UPEC s'est réunie et le conseil de gestion a voté à l'unanimité une motion signalant donc son opposition à la position de la présidence, au scénario de la présidence, et indiquant qu'elle soutenait en fait le scénario de l'association. C'est une motion qui est brève, hein, mais ça montre bien en fait que cette mobilisation, elle est relativement large, assez diffuse, et qu'elle se manifeste à certains moments précis. En AG, nos collègues Biat sont très présents, extrêmement inquiets par ce projet de fusion. Alors la difficulté, c'est qu'en fait, il y a tellement de choses qui sont en ligne de mire. Qu'il y a, je crois, davantage de mobilisation contre la fusion que contre la commu, qui apparaît encore quelque chose d'assez nébuleux et qui n'est pas très bien maîtrisé encore. Hein. Et on est rentré dans la mobilisation par la fusion, par l'opposition à la fusion, avant de voir la question des commus. Une demande de précision sur tous ces organismes qu'on est en train d'agréger dans les communes actuellement. Et c'est quelque chose qui attire mon attention de plus en plus. Ça a l'air d'être comme ça partout. C'est très difficile à savoir, en fait, parce qu'on a peu de documents externes sur les autres communes en constitution. Il me semble qu'il s'agit d'établissements qui n'ont pas obligation par la loi de se regrouper. C'est-à-dire qu'ils sont agrégés à ces communes, mais sans avoir d'obligation légale de le faire. Absolument, c'est-à-dire que le texte de la loi est clair, hein, l'obligation porte sur les établissements dont la tutelle est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà. L'agrégation d'autres établissements, c'est un plus, mais ça n'ont pas d'obligation contractuelle. Chez vous, par exemple, il n'y a que les deux universités. Il n'y a que les deux universités. Obligation de regroupement. Absolument, voilà. Et le paradoxe, c'est que ces deux universités qui ont obligation de regroupement vont se retrouver noyées par des organismes qui, eux, n'auraient pas obligation de se retrouver dans une commune. J'ai oublié de poser la question, mais je me demande si c'est pas le cas de la faculté catholique, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec laquelle Paris 2 envisage de s'associer. Je ne suis pas certain qu'il dépende du ministère de l'enseignement supérieur et donc qu'ils aient obligation à entrer dans une commune. Donc, on comprend les motivations au départ, mais c'est en train de donner l'effet inverse, c'est-à-dire d'accabler les établissements qui, eux, ont obligation légale de se regrouper.